arrêtez de boire, alors tout le monde debout, arrêtez de brailler, brailler, brailler, brailler, 59G, à ce qui paraît tu connais, DJ Wallace, DJ NHB, strike sur la France. 2006, j'ai l'esprit possédé, mon avenir dans rap, c'est les dés qui vont décider. Pour l'instant, la décision c'est lutter, tant que la guerre n'est pas terminée. Et si t'as voulu tester, je rappelle 59G, trop énervé, trop de vérité, on a percé. Trop de haine envers ceux qui ne cessent de verser le sang. Produis ton arme, des likes en carcan. Je suis en train de poser, exploser, c'est pour mon S79QG. La famille avec qui j'ai pillé, volé, plié tes portes, esquivé les ports. Leur causé, tu te rentres entre, elle m'a gardé mon quartier. Ce qu'on a mis de côté alors, un mauvais regard de trop. C'est coup de feu, coup de boîte, bouteille, coup d'eau, cul de ta pure, vas-y, pose les paris. On est pas arrêté, le respect des capes envers les familles. De jour en jour se perd, alors ce coup-ci c'est pas un spare. Mais un strike sur les quilles, y'a la tête de Sarko et Chirac. Ce sont Braque, Nicolas Dallas, t'arrête. Braque, cet automobiliste élu arrache son sac. Coup sec, tec, nick, contracte les paupières. Si la cri-cri te pique, mais le paquet, si c'est nous, je t'entraîne, cognac, cousin. Aujourd'hui, dur, dur de faire son pain. C'est pour ça ce que Dan Wallace va dire, donc dig, donc putain. Fais tenir les classes pour ceux qui meurent en prison. Une mère de famille méprisée quand son fiston meurt en prison. Prions pour que notre descendance ne vive comme nous vivons. Prions pour qu'ils cessent de nous prendre pour des esclaves, car c'est fini, le temps des champs de coton. Écoutez, je suis venu contre-attaquer toutes les contradictions. Caractériser, plus valoriser les agro-vénus de la nation. N'étant pas bon à mon goût, Alma gargare, Alma gargare, regarde les gargouilles. Ceux qui tiennent le mur, mais qui tirent sur la foule. Au petit matin, chez nous les mecs sont pétés tôt. Ton avenir est loin si t'as la couleur pépito. J'ai les crocs, donne-moi une pomme, ça valerait même les pépins. Les bâtards, c'est comme les fouilles, gratte par des camps plus rien. Mes psychos restera jusqu'à la dernière fois. Je gratte du gâteau, gâtez le ghetto. Usez le micro, fusillez la sono. Et pour percer la couche d'acier, sortirez mes lyrics qui me servent de charte d'assaut. Strike sur la français, DJ NHB à la sono. DJ Wallace en platine, la voix du 59 grammes en guise de boule de bowling. 2006, tous les coups sont permis sur le ring. Alors Alma gare arrive et cogne avec une hache de viking. Sur les bancs tout cassoulé, ce psycho à la rescousse. Pour les Mamadou Mafé et les Mohamed couscous. Vas-y couss, sors ton carrousse et prends la France en partout. En direct des gardes, y'a trop de keufs qui partent. Pété au shit, sorti des cars, c'est 5000 bicrap. On vient dénoncer des sales flics corrompus qui boivent à l'excès. Viens nous tabasser en pleine rue. Du côté de chez la BAC, ça trafique au stupo. Enchaîne les coups de matraque et fume la conso de mon tombeau. Le respect, ils le méprisent, leur déperquise. Prends ta mère, puis l'utilise. On est venu chercher votre fils. C'est 59 grammes, c'est un strike sur la France. On est venu sonner l'alarme pour ceux qui rament depuis l'enfance. Soum, je offense. Le PN est maigré, mon zob, je voulais enfoncer en plein cible pour tous les immigrés. Je rentre violemment pour mon 5900. Je lance un tonne d'explosifs pour mes frères Zahav en manque de bif. C'est un strike sur la France, le thème. C'est niquer le système, toujours raciste, anti-police, anti-FN. Nique les juges qui font que mes frères purgent des peines. D'après ces fils de pute, y'a que la prison qui nous freine. C'est pour ça qu'en nous-mêmes, on renferme une haine envers le commissaire, le président et Jean-Marie Le Pen. Et c'est partout pareil, rien que sa scène pour l'oseille. Et comme dit le dicton, les murs ont des oreilles. Cette pute de France, on voudrait la baiser. Vu que pour nous les immigrés, la vie n'est pas aisée. En gros, y'a qu'une chose à faire, enculer l'État français. Faire rentrer le blé, pour tailler aux deux blés. C'est pour mes refrains, à la peau foncée, qui squattent tard défoncé, mais qui, hamdoulah, se font pas coincer. 10-10-0-5, la France à 100, pour qu'on nous comprend, qu'on nous entend. Vu qu'on est tant dans les quartiers, à être sur Radma, alors on fait de l'argent Silfa. Mais trop trop son, Steppy au stupo. Se retrouve au cachot, pour de l'héro ou des bracos du stupo. C'est Psycho Mergibou, YAZ2E avec le mic. En guise de 6 coups pour régler les soucis, vu qu'il y en a trop. Alors sachez à l'état des sbahs. Et pour les stars qui se mangent des dalchats, bande de bâtards, sachez que ça nous refera. Ce sont c'est pour les vrais, pas pour les cars. Mes frères Madjin, Almagar. Et pour les billets, c'est des coups de barre.